Joseph Jacobs, un lac de roupies pour trois conseils. Un pauvre brahmane aveugle et sa femme dépendaient de leur fils pour leur subsistance. Chaque jour, le jeune homme sortait pour obtenir ce qu'il pouvait en mendiant. Cela dura un certain temps, jusqu'à ce qu'il se lasse d'une vie aussi misérable et décide d'aller tenter sa chance dans un autre pays. Il informa sa femme de son intention et lui ordonna de s'occuper d'une manière ou d'une autre de ses parents âgés pendant les quelques mois où il serait absent. Il la supplia de prendre bien soin de ses vieux parents de peur que ceux-ci ne se fâchent et ne le maudissent. Un matin, il partit avec quelques provisions dans un baluchon et marcha jour après jour jusqu'à ce qu'il atteigne la capitale d'un pays voisin. Il alla s'asseoir près de la boutique d'un marchand et lui demanda l'aumône. Le marchand lui demanda d'où il venait, pourquoi il était là et quelle était sa caste. Il répondit qu'il était brahmane et qu'il allait de ci, de là, mendiant sa subsistance, celle de sa femme et de ses vieux parents. Pris de pitié pour ce brahmane, le marchand lui conseilla d'aller rendre visite au roi de ce pays qui était bon et généreux, et il lui proposa même de l'accompagner. Or, il se trouve qu'à cette époque, le roi cherchait un brahmane pour s'occuper d'un temple en or qu'il venait de faire construire. Le roi fut donc très heureux de rencontrer le brahmane et d'apprendre de la part du marchand qu'il paraissait bon et honnête. Le roi affecta donc le brahmane aussitôt à la garde de ce temple et ordonna que de grandes quantités de riz et 100 roupies lui soient versées chaque année à titre de salaire. 2 mois plus tard, la femme du brahmane, n'ayant pas eu de nouvelles de son mari, quitta la maison et ses beaux-parents et partit à sa recherche. Par un heureux hasard, elle arriva dans la capitale où était son mari. Et elle apprit que tous les matins, au temple d'or, une roupie en or était donnée au nom du roi à chaque mendiant ou mendiante qui demandait l'aumône. Le lendemain matin, elle se rendit donc sur place. Et évidemment, elle rencontra son mari. Il lui demanda « Pourquoi es-tu venue ici? Pourquoi as-tu quitté mes parents ?» Peu importe qu'ils me maudissent et que j'en meure. Retourne immédiatement chez nous et attends mon retour. Non, non, dit la femme, je ne peux pas rentrer chez nous pour mourir de faim et voir aussi ton vieux père et ta vieille mère mourir de faim. Il n'y a plus un grain de riz dans la maison. Oh, bagawant ! S'exclama le brahmane. Tiens, « prends ceci !» poursuivit-il en griffonnant quelques lignes sur un papier qu'il lui tendit ensuite. « Et donne ce papier au roi, tu verras qu'il te donnera un lac de roupies pour cela !» En terminant cette phrase, il congédia sa femme et elle s'en alla. Sur ce bout de papier étaient écrits 3 conseils. Premièrement, si quelqu'un voyage et arrive dans un endroit inconnu, la nuit, qu'il fasse attention selon où il se couche et surtout qu'il ne ferme pas les yeux et s'endorme. Deuxièmement, si un homme a une sœur mariée et qu'il lui rende visite en grande pompe, elle le recevra pour ce qu'elle peut obtenir de lui. Mais s'il vient à elle en tant qu'homme pauvre, elle le regardera, le reniera et le chassera. Troisièmement, si un homme doit faire un travail, il doit le faire lui-même et le faire de son mieux, sans avoir aucune peur. En arrivant chez elle, la brahmanie raconta à ses beaux-parents sa rencontre avec son mari et le précieux papier qu'il lui avait donné. Mais ne voulant pas se présenter elle-même devant le roi, elle envoya l'un de ses cousins. Le roi lut le document et après avoir ordonné que l'homme soit fouetté, il le congédia. Le lendemain matin, la Brahmanie reprit le bout de papier. Et tandis qu'elle se rendait à la place du Darbar en le lisant, le fils du roi la rencontra et lui demanda ce qu'elle lisait. Ce à quoi elle répondit qu'elle tenait dans ses mains quelque chose de très précieux, avec trois conseils. Et pour ces trois conseils, elle voulait un lac de roupies. Le prince lui demanda de lui montrer ce bout de papier. Après avoir lu le bout de papier, le prince lui remit une carte avec son nom et ses armoiries pour qu'elle puisse toucher un lac de roupies, somme qu'elle avait demandée. La pauvre Brahmanie remercia le prince. Et puis ce jour-là, toute contente, elle acheta une grande quantité de nourriture suffisante pour nourrir ses beaux-parents et elle pendant longtemps. Le soir, le prince raconta à son père sa rencontre avec la Brahmanie et l'achat du morceau de papier. Il pensait que son père, le roi, applaudirait à son geste. Mais il n'en fut rien. Le roi fut encore plus furieux que le matin, car c'était le même bout de papier qu'il avait lu le matin même. Il bannit le prince du pays. Alors le prince dit adieu à sa mère, à sa parentèle et à ses amis. Il partit à cheval, sans savoir où aller. À la tombée de la nuit, il arriva à un endroit où il fut accueilli par un homme qui l'invita à loger chez lui. Le prince accepta l'invitation et fut traité comme un prince. On étendit une natte pour qu'il puisse s'y accroupir et on lui présenta les meilleures provisions. Lorsqu'il s'allongea pour dormir, il se dit « Voilà une occasion de mettre en pratique le premier conseil que m'a donné la Brahmanie. Je ne dormirai pas cette nuit. » Il fit bien de prendre cette résolution. Car au milieu de la nuit, l'homme de la maison se leva et, l'épée à la main, se précipita sur le prince avec l'intention de le tuer. Mais celui-ci, étant réveillé, se leva et lui dit « Ne me tue pas. Quel profit tirerais-tu de ma mort? Si tu me tuais, tu le regretterais ensuite, comme cet homme qui a tué son chien. »« Quel homme? Quel chien ?» demanda l'homme de la maison. « Je te raconterai l'histoire, » dit le prince, « si tu me donnes cette épée. » L'homme de la maison lui donna son épée et le prince commença à raconter son histoire. Il était une fois un riche marchand qui avait un chien de compagnie. Il fut soudain réduit à la pauvreté et dut se séparer de son chien. Il obtint un prêt de 5000 roupies auprès d'un autre marchand en laissant le chien en gage, et avec l'argent prêté, il reprit ses affaires. Peu de temps après, la boutique de l'autre commerçant fut cambriolée par des voleurs et complètement mise à sac. Il restait à peine 10 roupies dans la boutique. Le chien fidèle, lui, avait observé ce qui se passait. Il suivit les voleurs, il vit où ils avaient déposé tout ce qu'ils avaient volé. Et le chien revint auprès du commerçant qui avait été cambriolé. Le matin, lorsque le marchand apprit ce qui s'était passé, il pleura beaucoup et se lamenta. Il faillit même devenir fou. Mais pendant ce temps, le chien continuait à courir vers la porte et à tirer sur la chemise du commerçant, comme s'il voulait l'emmener avec lui. Enfin, un ami qui passait par là suggéra que le chien savait peut-être où se trouvaient les objets volés et conseilla au marchand de suivre ses indications. Le marchand accepta et suivit le chien jusqu'à l'endroit même où les voleurs avaient caché les marchandises. Là, l'animal grattait et aboyait et montrait de diverses manières que les objets se trouvaient sous terre. Le marchand et les amis qui l'avaient accompagné creusèrent donc à l'endroit que le chien faisait voir. et ils trouvèrent bientôt tout ce qui avait été volé. Rien ne manquait. Tout était exactement comme les voleurs l'avaient pris. Le marchand était très content. De retour chez lui, il renvoya immédiatement le chien à son ancien maître, avec une lettre roulée et tenue sous le collier du chien, dans laquelle lettre il parlait de la sagacité de la bête et priait son ami d'oublier le prêt et d'accepter 5 000 roupies de plus en cadeau. Lorsque le premier marchand vit revenir son chien, il se dit « Hélas, mon ami manque d'argent. Comment puis-je le payer ? Je n'ai pas eu le temps de me remettre de mes pertes récentes. Je tuerai le chien avant qu'il n'atteigne la porte de ma maison. Et je dirai que c'est un autre qui l'a tué. C'est ainsi que ma dette prendra fin. Pas de chien, pas de prêt. » Il s'élança donc et tua le pauvre chien lorsque la lettre tomba de son collier. Le marchand la ramassa et la lut. Quel fut son chagrin et son désappointement lorsqu'il se rendit compte de la mauvaise action qu'il venait de faire. Le prince termina son histoire en disant à l'homme qui l'avait accueilli « Prends garde de ne pas faire ce que tu regretterais d'avoir fait toute ta vie en préférant ne pas l'avoir fait. » Lorsque le prince se tut, le matin approchait et il s'en alla après avoir récompensé l'homme qui l'avait accueilli malgré tout. Le prince se rendit ensuite dans le pays de son beau-frère et de sa sœur. Il se déguisa en yogi et s'asseyant près d'un arbre à proximité du palais, il fit semblant d'être absorbé par son culte. Des nouvelles de cet homme et de sa merveilleuse piété parvinrent aux oreilles du roi. Il s'intéressa à lui, car sa femme, la sœur du prince Yogi, était très malade, et il avait cherché des brahmanes pour la guérir, mais en vain. Il pensa que ce saint homme pourrait peut-être faire quelque chose pour elle. Il envoya donc chercher, mais le Yogi refusa d'entrer dans les couloirs du palais, en disant que sa demeure était en plein air, et que si sa majesté voulait le voir, il devait venir lui-même et amener sa femme à cet endroit. Le prince prit donc sa femme et l'amena au yogi. Le saint homme lui demanda de se prosterner devant lui, et lorsqu'elle fut restée dans cette position pendant environ 3 heures, il lui dit de se lever et de partir, car elle était guérie. Le soir, il y eut une grande agitation et consternation dans le palais, car la reine avait perdu son chapelet de perles, et personne ne savait où il était. Finalement, quelqu'un se rendit là où était le yogi et trouva le chapelet par terre, à l'endroit où la reine s'était prosternée. Lorsque le beau-frère du prince Yogi entendit cela, il fut très en colère et ordonna que le yogi soit exécuté. Cet ordre sévère ne fut cependant pas suivi, car le prince soudoya les hommes qui le retenaient prisonnier et s'échappa du pays. Mais il savait que le deuxième conseil était vrai. Un jour, alors qu'il se promenait vêtu de ses propres vêtements, un peu usé, c'est vrai, le prince aperçut un potier qui pleurait et riait tour à tour avec sa femme et ses enfants. « Oh, fou !» lui dit-il. « Que se passe-t-il ? Si tu ris, pourquoi pleures-tu ? Si tu pleures, pourquoi ris-tu ? » « Ne me dérange pas !» dit le potier. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? » « Pardonne-moi !» dit le prince. « Mais je voudrais bien connaître la raison de ces pleurs et de ces rires. » « Tu veux connaître la raison ? Eh bien, la voici, » dit le potier. « Le roi de ce pays a une fille qu'il est obligé de marier tous les jours, car tous ses maris meurent la première nuit de leur séjour avec elle. Presque tous les jeunes gens de l'endroit ont ainsi péri, et notre fille sera bientôt sollicitée. Nous rions de l'absurdité de la chose, un fils de potier qui épouse une princesse, et nous pleurons devant les terribles conséquences de ce mariage. Que pouvons-nous faire ? Il y a vraiment de quoi rire et pleurer. Mais ne pleurez plus, dit le prince. J'échangerai ma place avec votre fils et j'épouserai la princesse. Donnez-moi seulement des vêtements convenables et préparez-moi pour l'occasion. Le potier lui donna des vêtements et des ornements magnifiques qui devaient aller à son fils lorsqu'il allait se marier avec la princesse. Le prince se rendit ensuite au palais. Le soir, on le conduisit à l'appartement de la princesse. « Heure redoutable, pensa-t-il, vais-je mourir comme les innombrables jeunes gens qui m'ont précédé ?» Il serra fermement son épée, s'allongea sur le lit avec l'intention de rester éveillé toute la nuit pour voir ce qu'il se passerait. Au milieu de la nuit, il vit deux chamards sortir des narines de la princesse. Ils s'approchèrent de lui en rampant, dans l'intention de le tuer, comme les autres jeunes gens qui l'avaient précédé. Mais le prince, se rappelant le troisième conseil, saisit son épée fermement, et lorsque les serpents atteignirent le lit, il les frappa et les tua sans avoir aucune peur. Le matin, le roi vint comme d'habitude pour prendre des nouvelles, et il fut surpris d'entendre sa fille et le prince parler gaiement ensemble. « Cet homme deviendra son mari, puisqu'il est le seul à avoir survécu alors que tous les autres sont morts. » Ainsi, le roi demanda au prince « D'où venez-vous? Qui êtes-vous? » « Ô roi, répondit le prince, je suis le fils d'un roi qui règne dans un royaume voisin. » Lorsqu'il entendit cela, le roi fut très heureux. Il invita le prince à demeurer dans son palais et à vivre avec la princesse. Il le nomma aussi successeur à son trône. Le prince resta au palais pendant plus d'un an, puis demanda la permission de visiter son pays, ce qui lui fut accordé. Le roi lui donna des éléphants, des chevaux, des bijoux et beaucoup d'argent pour les frais du voyage et des cadeaux pour son père et sa mère. Ainsi, le prince se mit en route. En chemin, il retraversa le pays de son beau-frère et de sa sœur. La nouvelle de son arrivée parvint aux oreilles du roi, qui vint, les mains liées par une corde et le cou entravé, pour lui rendre hommage. Il le pria humblement de rester dans son palais et d'accepter le peu d'hospitalité qu'il pouvait lui offrir. Pendant son séjour au palais, le prince vit sa sœur plusieurs fois, qui l'accueillit chaque fois avec des sourires, des baisers et des cadeaux. En partant, le prince lui raconta comment elle et son mari l'avaient traité lors de sa première visite et comment il s'était échappé. Puis il leur donna deux éléphants, deux beaux chevaux, 15 soldats et des bijoux d'une valeur de 10 lacs de roupies. Il se rendit ensuite avec sa femme chez lui et informa son père et sa mère de son arrivée. Hélas, ses parents avaient vieilli, ils étaient devenus aveugles à force de pleurer la perte de leur fils. « Qu'il entre, dit le roi, et qu'il pose ses mains sur nos yeux et nous retrouverons la vue. » Le prince entra et fut accueilli avec sa femme très affectueusement par ses vieux parents. Il posa ses mains sur leurs yeux et ils recouvrèrent la vue. Le prince raconta alors à son père et à sa mère tout ce qui lui était arrivé et comment il avait été sauvé plusieurs fois en suivant les 3 conseils qu'il avait achetés à la Brahmanie. Le roi exprima son chagrin de l'avoir banni du pays. Le prince pardonna à son père de tout son cœur et bientôt le bonheur et la paix revinrent dans le cœur du roi et de la reine. Fin du conte collecté par Joseph Jacobs, 1 lac de roupies pour 3 conseils.